Selon le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, les citadins de Kimcheon de la province du Gyeongsang du Nord ont tenu le 1er septembre devant le ministère de la Défense nationale à Séoul un meeting contre la disposition de SAD. Divers citadins, le président de l'Assemblée de la ville et une dizaine de députés de la ville ont livré la coupe des cheveux réclamant le retrait de la décision de la disposition de SAD et la démission du ministre de la Défense nationale.